pris un cours avec Don Carson sur les épîtres pastorales, et c'est un des textes qui m'avait le plus frappé. Je m'étais préparé pour le cours, j'avais travaillé le texte pour comprendre, c'est-à-dire les trois épîtres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Mais j'avais tellement apprécié ce texte parce qu'il mettait l'accent sur la vérité, sur Jésus. Et donc, on devait faire un travail, puis je l'avais fait sur ce texte. Il a continué à être précieux pour moi. Je vous en fais la lecture, donc, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Dès le départ, je veux qu'on puisse réaliser qu'il y a vraiment les deux concepts dont je vous parle, l'Église et la vérité, qui sont là dans le texte interreliés. On parle bien sûr de l'Église. C'est au verset 15, il y a trois descriptions de l'Église. Elle est d'abord la famille de Dieu, ou la maison de Dieu, on peut traduire des deux manières. Donc, on parle de l'Église, qui est l'Église du Dieu vivant ensuite, puis on la décrit comme la colonne et l'appui de la vérité. Alors, c'est clair, l'apôtre Paul voulait qu'on pense, alors qu'on lit ce texte-là, à l'Église. Mais non seulement ça, mais il y a l'idée que la parole de Dieu, la vérité qui est là dans le texte, et il y a plusieurs synonymes qui sont employés. D'abord, au début du verset 14, quand il dit « Je t'écris ces choses », alors il parle de ses écrits, l'écriture sainte, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Ensuite, il parle de l'Église comme la colonne et l'appui de la vérité. Alors, la parole de Dieu, la vérité. Ensuite, il va parler du mystère de la piété. Au verset 16, sans contredit, le mystère de la piété, c'est une expression peut-être qu'on connaît moins, qu'on utilise moins, mais l'idée d'un mystère dans la Bible, c'est quelque chose qui, autrefois, dans l'Ancienne Alliance, n'était pas révélé pleinement. Il pouvait avoir quelques indices, mais ce n'était pas clairement établi. Mais qui, avec la Nouvelle Alliance, avec la venue de Jésus, est très clair. C'est la révélation. Et donc, le mystère, c'est la révélation de la piété, la révélation qui est centrée sur Jésus. Parce que par la suite, le mystère de la piété est grand et on nous décrit la personne de Jésus. Donc, troisièmement, il y a l'idée du mystère de la piété qui implique aussi la révélation, la parole de Dieu, la vérité. Et, chapitre 4, verset 1, parce qu'il y a suite. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Et le terme « la foi » décrit aussi la parole de Dieu, la vérité. Alors, les deux doivent aller de pair. Ça, c'est l'idée ici. La parole de Dieu, la vérité, et l'Église. L'Église, elle est la colonne, l'appui de la vérité, indissociable de la vérité. En fait, ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, si on vous pose la question de quoi on a parlé ce matin dans le message, c'est l'Église doit s'attacher à la vérité et la plus grande des vérités concerne Jésus. L'Église, vous et moi, on doit s'attacher à la vérité. Et la plus grande des vérités qu'on ne peut vraiment pas mettre de côté, c'est Jésus, sa personne et son œuvre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder trois responsabilités de l'Église face à la vérité. Simplement, ce qui est là dans le texte, trois responsabilités. La première, l'Église est l'incarnation de la vérité. Je prends ça au verset 14. Quand j'emploie le mot « incarnation », ça veut dire qu'on a la vérité, on a la révélation. Et pour les gens en général, si on veut connaître la révélation, tu peux aller dans l'Écriture, tu vas connaître ce que Dieu veut, mais dans un certain sens, on pourrait regarder à l'Église, qui est l'incarnation, qui met en pratique cette vérité, qui manifeste cette vérité par sa vie, par son message aussi. Donc, c'est le mot que j'ai employé, l'Église est l'incarnation de la vérité. Elle doit pratiquer la vérité. Au verset 14, Paul pense bientôt venir rejoindre Timothée, puis il lui dit, si je tarde, ben, je t'écris des choses. J'ai écrit, c'est l'écriture, c'est l'épître que je t'ai écrite, mais dans quel but? Si je tarde, tu sauras par les écrits comment il faut se conduire. La vérité que Dieu nous a laissée dans sa parole, il faut l'étudier, la connaître, l'aimer. Mais d'abord et avant tout, il faut la pratiquer. Ça doit affecter notre conduite. Ça doit se manifester dans notre vie. C'est le but. Je t'ai écrit ces choses pour que tu saches. Ça commence par le savoir, donc je t'instruis, je te donne des vérités, tu les connais, c'est bon. Il faut aussi que ça affecte ta conduite. Il emploie le mot « il faut ». L'enjeu est important parce que c'est, il dit, l'Église dont il est question, la maison de Dieu. On ne parle pas du bâtiment, là, c'est la maisonnée, c'est la famille de Dieu. Alors, tu ne te comportes pas n'importe comment, particulièrement dans nos relations, parce que l'Épître à Timothée, ce qu'il écrit, dit « je t'écris ces choses », c'est quoi ces choses? Quand on regarde les premiers chapitres, c'est des ordonnances, comment on doit fonctionner dans l'Église, l'organisation de l'Église, la mise en place des anciens, le comportement lors des réunions, la tenue des dames, même il est question de ça, la prière, etc. Ça, notre conduite, c'est dans notre organisation, puis on ne fait pas ce qu'on veut parce que ce n'est pas nous qui déterminons. Il s'agit de la famille de Dieu, de l'Église du Dieu vivant. C'est lui qui le détermine. Et ça doit affecter ce qu'il nous dit, influencer. Ça doit vraiment s'incarner dans notre conduite. Et au verset 15, il y a un autre mot qui insiste sur la pratique. Quand il parle du mystère de la, vous êtes toujours là, piété. Je ne sais pas, comme moi, plusieurs, c'est, vous avez assisté longtemps à l'Église catholique, puis on chantait « Il est grand le mystère de la foi hein? ». Mais c'est le mystère de la piété, littéralement. Et la piété, c'est quoi? C'est un terme qui est beaucoup employé dans les épîtres pastorales. Puis la piété, on peut le définir comme un attachement à Dieu. Quelqu'un de pieux, là, il est attaché à Dieu, mais ce n'est pas juste au niveau cérébral. Il y a un aspect vraiment pratique dans la piété. Le mystère de la foi, c'est la révélation de Dieu. Le mystère de la piété, c'est-à-dire, c'est la révélation de Dieu qui nous amène à nous attacher à Jésus, puis ça paraît dans notre conduite, en d'autres mots. Donc, l'importance de la conduite. Ça m'ouvre une petite porte, et je pense qu'on doit parler, j'aime le mot intégrité. Vous savez, c'est quoi l'intégrité? C'est d'être vrai avec tes valeurs, avec ce que tu crois. Et tout être qui, on a des valeurs, il y a des choses fondamentales, OK? Auxquelles on adhère, on croit profondément. Puis, quand tu ne vis pas selon tes valeurs, ça te crée un énorme malaise. Tu es mal. Si tu crois que c'est important d'être fidèle, même si tu n'es pas chrétien, c'est important d'être fidèle à ton conjoint, ta conjointe, puis que tu la trompes ou tu le trompes, tu vas mal filer. Parce que quand il y a incohérence entre ce que tu crois, tes valeurs, puis ta pratique, ça ne marche pas. Et notre tendance pour régler ce problème-là d'inconfort, c'est de changer un ou l'autre. Soit que tu changes tes valeurs, puis tu dis, ah, il n'y a rien là, finalement tu devrais un peu mieux filer, ou tu changes ta pratique. Parce que quand les deux ne coïncident pas, ça ne fonctionne pas bien dans notre conscience, dans notre être intérieur. Et comme croyant, ben c'est la même chose. Puis le problème, c'est que si on néglige notre conduite, puis on apprend des valeurs, des vérités dans l'Écriture, puis on néglige la conduite, soit que tu vas être constamment dans une espèce de dilemme où tu es mal, tu te sens coupable, soit que tu changes la doctrine ou finalement tu dis pour me sentir bien, il faut que je change ça. Non, la Bible me dit que je dois m'attacher, travailler, être en relation avec l'Église, mais c'est tellement dur, puis j'y arrive pas, puis tout ça, finalement, je balance l'Église, puis il faut que je change la doctrine. Je change la doctrine, donc l'Église, dans l'Écriture, c'est plus ou moins important, puis ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. Alors, d'où vient la fausse doctrine? Elle ne vient pas juste des gens qui réfléchissent, qui disent « Moi, je veux Jésus, je ne crois pas qu'il est Dieu, puis c'est juste au niveau doctrinal. » Souvent, ça part d'une mauvaise pratique, puis on veut ajuster l'Écriture. On l'ajuste à notre façon pour être en paix. Et d'où l'importance de se rappeler, frères et sœurs, que l'Écriture, ce que Dieu nous a laissé, il faut qu'on ait en vue la pratique, notre conduite. Et quand ma conduite ne correspond pas à ce que Dieu demande, je dois crier à lui, m'humilier. Des fois, accepter d'être dans un inconfort pour un temps. De pouvoir aussi voir ça à la lumière de la grâce de Dieu. À un moment donné, je n'y arrive pas à mettre tout ça en pratique, mais je sais que Jésus, par son sang à la croix, me purifie de tout péché. Dieu m'accepte, Dieu m'aime, et je suis capable de vivre un certain inconfort. En tout cas, ça l'atténue, en sachant que Dieu va me délivrer peut-être avec le temps de cela, mais je ne veux pas toucher, je veux continuer à travailler, à rechercher la conduite appropriée, puis jamais toucher à l'Écriture, jamais réinterpréter l'Écriture pour la mettre à mon goût, à moi. Et c'est important de se garder les uns des autres. J'ai remarqué que dans les visites pastorales au fil des années, quand les gens ont une mauvaise conduite et que je dois aller, j'aime pas toujours ça vraiment, mais aller reprendre, aller parler pour encourager la personne à marcher dans la bonne direction avec l'Écriture, on revient à la doctrine, puis quand les versets, tout à coup, ils ne passent plus. On les mais, puis là, on commence à se rationaliser, à se tromper soi-même par des faux raisonnements, puis on veut ajuster ça, et c'est un combat. Et c'est un combat spirituel, d'où la prière est importante, et il y a des gens, à un moment donné, je dis, garde, il n'y a quasiment plus rien à faire, à moins que, c'est toujours, il n'y a rien à faire à moins que Dieu intervienne, on s'entend, là, il faut que Dieu intervienne, mais c'est dangereux. Donc, rappelons-nous de cet aspect-là, la conduite, ne perdons pas ça de vue, et nos interprétations de ce qu'est la grâce, qu'on n'est pas sous la loi, gardez toujours ça à la lumière, qu'il faut en quelque part quand même que l'Écriture affecte notre conduite, et qu'on ait une conduite qui fait honorer, ça c'est un texte aussi dans les épîtres pastorales, en tout la doctrine de Dieu. Que les gens nous regardent et disent, OK, ça c'est des croyants, parce que ça correspond au moins à ce qu'ils disent, puis à ce qu'ils enseignent. Ça honore la doctrine de Dieu par notre conduite. Deuxième responsabilité de l'Église, c'est la préservation de la vérité. On doit la mettre en pratique, on doit la préserver. Dieu a préservé l'Écriture, mais dans un sens, on a un rôle aussi. On est au verset 15, dans la description de l'Église. On parle de la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, mais c'est la colonne et l'appui de la vérité. De la famille, l'image de la famille, puis souvent, Paul, il fait ça. Il pense que la maison, tantôt, c'est la famille, puis l'image se transforme, puis ça devient un bâtiment. Il y a les deux dimensions ici. Puis il dit, l'Église, c'est comme la vérité est une espèce de bâtiment, puis l'Église, c'est une colonne qui soutient, maintient, protège, garde la vérité. Une assise, on pourrait le traduire comme ça, appuie l'assise. C'est des termes d'architecture, où pour que le bâtiment tienne en place, il y avait des colonnes, il y avait des assises, une fondation. C'est quand même spécial. Ça donne beaucoup d'importance, de responsabilité à l'Église. Tu sais, on a l'impression que c'est à Dieu à préserver sa parole, la vérité, tout ça. Oui, absolument. Mais on doit arriver, laisser le texte nous dire ce qu'il veut dire, et arriver absolument à la conclusion que l'Église a un rôle vraiment important. L'Église a comme rôle de s'enquérir de la vérité, c'est-à-dire étudier la parole pour pouvoir bien comprendre c'est quoi le message, la révélation, la vérité de Dieu. Elle doit définir aussi la vérité, c'est-à-dire la préciser. Ce n'est pas à nous à la déterminer, ce n'est pas à nous à établir la vérité. Mais en l'étudiant, des fois par des credos, par des livres, par des énoncés, de définir précisément ce qui est. Et depuis que l'Église est l'Église, elle a été attaquée, la vérité a été attaquée de tous bords, de tous côtés, et ça a été le rôle de l'Église par des conciles, par des résolutions, de résister aux attaques et déterminer, de définir, de préciser ce qu'est la véritable doctrine de Dieu. C'est le rôle de l'Église, comme on l'a mentionné, de vivre la vérité, d'aimer la vérité. J'aime tellement le verset dans Thessaloniciens qui dit que nous, on a reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvé. C'est le rôle de l'Église de propager la vérité, de confirmer. Paul parle de la défense et de la confirmation dans Philippiens 1:7, la défense et la confirmation de l'Évangile. Confirmer, c'est attester. C'est de pouvoir expliquer. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. On doit avoir des arguments pour dire c'est la vérité, puis voici pourquoi le défendre avec l'écriture, le prouver aussi par la conduite, comment en regardant autour, tout atteste ce que l'écriture enseigne. Et on doit la défendre. Et en fait, ici, dans le contexte, il y avait plein de faux docteurs qui amenaient des fables, des règles judaïques qui reniaient Jésus. Et il dit, c'est le rôle de l'Église de se tenir debout, d'être des colonnes et de défendre, rester attaché à la vérité envers et contre tous. Et soyons honnêtes, c'est un défi aujourd'hui, pas vrai? Vérité. C'est Pilate qui a dit, qu'est-ce que la vérité? Ben, la société, c'est ce que, ouais, la vérité. Chacun a sa vérité. Il n'y a plus d'absolu, hein? Tout est relatif. C'est ça aujourd'hui. Puis nous, on arrive et on dit, non, il y a une vérité. On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde que les gens autour de nous. C'est un défi de tenir ferme, puis de défendre, puis de dire qu'il y a, simplement dire qu'il y a une vérité. Aujourd'hui, d'avoir une idée arrêtée, des convictions, d'être ferme, d'avoir des croyances, c'est mal vu. Pas vrai? Il faut être souple, ouvert, avoir l'esprit ouvert, pas être trop tranchant, pas être trop catégorique. Ça, c'est mal vu. Sois open, là. Alors, ça, c'est ta vérité. Moi, j'ai la mienne. Tout est beau, tout est correct. Alléluia, la vie est belle. C'est vrai. C'est à la mode aujourd'hui d'être un chercheur de vérité, mais de grâce, trouve-la pas. C'est vrai. Tu cherches la vérité. Hey, wow, je suis allé chez... Je parlais à quelqu'un cette semaine, puis je voulais ouvrir pour parler de l'Évangile. Je dis, t'es-tu un croyant? Et là, il me dit... oui, je crois, mais je crois à ma façon. Puis il dit, moi, j'aime bien la religion bouddhiste. Puis là, il me partageait ces choses. Et il me dit, mais ce que j'aime pas, moi, avec les religions, c'est que quand on veut faire la propagation des valeurs, des vérités, des religions, ça, j'aime pas ça. Je trouvais ça vraiment spécial. Ça veut dire que nous, là, la société, on va être cool si on se la ferme. Aujourd'hui, là, de vouloir partager tes valeurs, influencer un autre, même nos enfants, c'est mal vu. Il ne faut pas influencer. C'est tout des lavages de cerveau. À l'instant où tu parles de l'Évangile, c'est un lavage de cerveau. Mais si tu peux parler de l'évolution, tu peux parler de l'avortement, tu peux répandre que tu peux changer de sexe comme tu veux aujourd'hui, mais ça, c'est acceptable. Ça, ce n'est pas du lavage de cerveau. L'idée de logique. Il était un temps où on pouvait argumenter. Amène-moi tes arguments, j'amène les miens, on peut en discuter, on peut parler, puis établir, tenter d'établir des faits, puis arriver à des conclusions. Ce n'est pas une approche scientifique, ça. On n'est pas supposé être scientifique. Mais aujourd'hui, la norme, ce qui détermine si quelque chose est acceptable ou pas, c'est quoi? Comment je file? Hein? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Suis ton cœur. Même s'il y a des faits, hey, il veut, la personne dit, moi, là, non, je ne suis pas heureux avec mon épouse, les enfants, ça me bade. Alors, suis ton cœur, je veux suivre mon cœur, je veux être heureux. Alors, il n'y a plus de faits, il n'y a plus de vérité, c'est le feeling. Il faut être tolérant aujourd'hui. Et j'aime l'expression, Don Carson, il parle de l'intolérance de la tolérance. Hein? On est tolérant tant que tu penses comme moi. Tant que tu n'arrives pas avec des règles, que tu n'arrives pas, toi, avec des certitudes, avec des valeurs que tu veux m'imposer. On est tolérant, mais il y a une espèce d'intolérance à tout ce qui est vérité. Maintenant, c'est un défi pour nous. Hey, on est la colonne et l'appui de la vérité. Nous, là, on connaît Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On est venu à l'évangile de vérité. Il a mis dans nos cœurs l'amour de la vérité pour qu'on soit sauvés. Et on doit propager la vérité autour de nous. Puis dans l'Église, enseigner la vérité. Et c'est un défi énorme dans le contexte actuel. Mais on ne devrait pas se surprendre. 2 Timothée 4, je vous lis, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais Paul ajoute à Timothée, « Mais toi, Timothée, sois sobre. Sois sobre, sers-toi de ton intelligence. En toute chose, supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. » Il y a un proverbe qui dit, « Mieux vaut être giflé par la vérité qu'être embrassé par un mensonge. » C'est vrai que ça fait mal, c'est de dire les choses. On sait que les gens vont réagir, on va payer le prix. Mais il faut s'encourager à le faire. Parce que sérieusement, tout ce concept-là là, qui est actuellement tellement imbibé dans la société, ça vient d'où? Ben, c'est pas vrai que ça vient de la liberté et que ça vient de faits ou de science. Ce n'est pas vrai. Ça vient du père du mensonge. Ce n'est pas le père de la vérité, le diable. C'est le père du mensonge. Ça vient de l'homme qui n'en veut pas de Jésus, qui n'en veut pas de Dieu, qui n'en veut pas de la vérité. Et donc, on se crée, comme je disais tout à l'heure, une espèce de valeur, une approche, une philosophie qui nous convient et qui fait qu'on se sent bien. Si l'Église que Jésus a établie n'avait pas joué son rôle de colonne et de vérité, où est-ce qu'on en serait, nous, aujourd'hui? Maintenant, c'est nous qui prenons le bâton. Qu'est-ce qu'on va faire? Troisième responsabilité. La responsabilité de l'Église, c'est de célébrer la célébration de la vérité. La célébration de la vérité. Verset 16. Après nous avoir dit que l'Église est la colonne de la vérité, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété, on pourrait dire, la vérité, c'est grand. Le message central de la vérité, c'est quelque chose de grand. Dieu, mais le mot Dieu n'est pas là vraiment dans l'original. D'ailleurs, la plupart des traductions que vous avez, il y a une, en quelque part, un texte ancien qui avait le mot Dieu, mais il est vraiment isolé et quand on regarde l'ensemble, c'est un pronom relatif, c'est celui, lequel a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Je crois que ce texte-là nous parle de célébrer la vérité. En d'autres mots, le rôle de l'Église, c'est pas juste d'être la colonne et l'appui de la vérité, de pratiquer la vérité, non, mais de célébrer la vérité des vérités qui est Jésus. Le centre, l'aspect central de la révélation, c'est la personne de Jésus. Je vais revenir sur la question d'adoration, de célébration. Juste avant, je veux quand même parler un petit peu du verset 16. On croit que c'est une citation ici, ce beau texte. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un changement de style littéraire. Tu regardes précédemment dans l'épître de Paul à Timothée, ce qui suit, Paul a un style, il emploie certains mots. Ici, c'est carrément différent. Et c'est poétique. On pense que donc ce serait une citation, soit d'un hymne, certains pensent un credo, mais je crois davantage qu'il s'agit d'un hymne, c'est-à-dire un chant de l'Église primitive. Pourquoi? Parce que si c'est un credo, c'est comme une espèce d'énoncé de grande doctrine que l'Église croit, ben, si c'est le cas, il manque beaucoup belle doctrine très importante qu'on devrait dire qu'au niveau de Jésus, ça ne parle pas de sa mort expiatoire, ce texte-là, ça ne parle pas de sa résurrection, ça ne parle pas de son retour glorieux, alors ça serait loin d'être complet, là. Mais si c'est un hymne, puis en plus, c'est quelque chose qu'on a, c'est une citation donc qu'on a tirée, on n'a pas tout le texte original, peut-être il était plus grand que cela, je crois que ça fait plus de sens. C'est poétique, c'est une structure aussi, c'est très structuré, il y a 6 points qui sont vraiment des parallélismes, un après l'autre, ça se ressemble beaucoup. Je ne veux pas passer trop de temps sur les détails de ce texte-là, mais les théologiens essaient de comprendre la meilleure structure. Est-ce que c'est deux par deux, les différentes strophes qui sont là? Est-ce que certains disent qu'il y a les 3 premières suivies des 3 suivantes? Et donc, 2 groupes vraiment séparés. Je n'entrerai pas là-dedans, je trouve ça quand même intéressant, mais je vais aller sur ce qui est très clair dans le texte, d'abord et avant tout. Ce que je veux vous faire remarquer, vous remarquez que les verbes sont au passif. Alors, ça ne décrit pas des titres de Jésus. Ça parle de Jésus. On s'entend? Celui qui a été manifesté en chair, prenez juste le premier, puis le dernier qui a été élevé dans la gloire. Donc, c'est Jésus, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne décrit pas des titres de Jésus. Ça ne décrit pas même des œuvres de Jésus. Comme je disais, ça ne parle pas de ses miracles. Ça ne parle pas de ses enseignements, ça ne parle pas non plus de sa résurrection, sa mort, ça ne parle pas de... Mais c'est des choses, c'est comme des personnes ou des choses extérieures qui interviennent puis qui donnent une accréditation à qui est Jésus. Je pense que c'est beaucoup plus une célébration. Puis d'ailleurs, ça commence par « il est grand ». Vous vous rappelez, parce que Paul, quand il a écrit ici « Timothée à Éphèse », dans l'Épître aux Éphésiens, à un moment donné, il y a des gens qui ont employé cette expression-là. Elle est grande, qui? Diane, la déesse des Éphésiens, vous vous rappelez? On pense peut-être même ici qu'il y a comme une réponse à ça, en disant « non, non, ce n'est pas elle qui est grande, c'est Jésus, il est grand. » La révélation que Dieu nous a donnée, avec l'aspect central qui est Jésus, là, c'est quelque chose de grand, de glorieux. Puis il y a plein d'attestations. Des anges, l'esprit, le monde, cru dans le monde, les nations, qui toutes viennent. Jésus ne fait rien ici, c'est tous les gens qui, ou des personnes ou des situations qui viennent mentionner comment Jésus est quelqu'un d'extraordinaire, de spécial. Il est grand. Puis il y a la petite expression « sans contredit ». Personne ne peut remettre ça en question. Les vrais croyants, là, y adhèrent à ça sans réserve, sans contredit, là, Jésus, le point central de l'Écriture. L'Écriture, c'est quelque chose de grand, glorieux. L'Église, donc, n'a pas qu'une approche académique. Il nous faut, frères et sœurs, retourner à l'Écriture, bien comprendre l'Écriture, saisir les points essentiels de l'Écriture, les défendre, y être attaché. Il faut qu'il y ait des gens parmi nous qui se spécialisent pour mieux comprendre l'Écriture dans les langues originales, d'aller lire ce que dans l'histoire on a dit sur le sujet, de pouvoir nous aider à comprendre. Il faut absolument avoir une approche académique. Il faut avoir une approche très pratique aussi. Il faut qu'en quelque part, quand on lit l'Écriture, ça l'influence notre vie de famille, ça l'influence la manière dont je suis un époux, ça l'influence mon rôle quand je suis au travail, dans la société, que ça l'affecte ma vie, absolument. Mais il y a une dimension incontestable. Il faut que mon cœur soit touché. Que quand je lis, je dis, « Wow, Jésus, tu es grand. Seigneur, je te loue. Tu es extraordinaire. » Donc, il faut que ces trois choses-là soient gardées en équilibre. Il faut qu'on célèbre qui est le Seigneur Jésus. Et rapidement, je passe au travers des éléments, parce qu'ici, c'est ce qu'on fait. Jésus, il a été manifesté en chair. Donc, ça implique que quelqu'un d'autre a manifesté Jésus. Et on le sait, c'est Dieu le Père. Ce Jésus-là, ce n'est pas n'importe qui. Ça l'implique ici qu'il a été manifesté à chair, donc il existait préalablement. Il était Dieu de toute éternité et il est venu sur cette terre dans une chair comme la nôtre. Faites juste penser à ça un petit peu. Comment le Créateur peut devenir créature? L'être infini peut devenir fini dans le sens de fini, là. Il ne vient pas d'autre mot. Limité, c'est extraordinaire. Pas vrai qu'un des désirs qu'on a, c'est de dire, Jésus, veux-tu intervenir dans ma vie? On veut le voir intervenir, agir, on veut qu'il soit près de nous. Et c'est bon, puis c'est correct, parce qu'on dépend de lui. Mais réalisez-vous qu'il est intervenu une fois d'une façon extraordinaire, en venant sur cette terre, en devenant homme. Il est grand, Jésus, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit. C'est probablement le plus compliqué, je ne veux pas trop m'attarder, mais la grosse question ici, c'est est-ce que Jésus a été justifié par le Saint-Esprit ou dans l'esprit en termes de sphère, je vais le dire comme ça, parce qu'il sera opposé à la chair. Il a été manifesté dans la chair, mais justifié dans sa vie surnaturelle, spirituelle en tant que Dieu. Donc, les théologiens sont séparés, je ne trancherai pas nécessairement le débat, mais il y a l'idée ici certainement que la vie de Jésus, en tant qu'homme, c'est une chose, mais il y a toute une dimension quand on regarde à Jésus qui fait qu'il est un être surnaturel, extraordinaire. Ses miracles, sa résurrection, ses paroles, quand il a été glorifié, etc. Et ces deux aspects ont toujours été attaqués dans l'histoire de l'Église. Des gens qui disent « Jésus n'est pas venu en chair vraiment, ça ne se peut pas qu'un Dieu se fasse homme. » Donc, on nie l'incarnation de Jésus ou on nie sa divinité. Mais je pense, ici, le texte dit « Rappelez-vous, si vous regardez à la vie de Jésus uniquement comme s'il était un grand homme, vous manquez quelque chose. » Il faut avoir la dimension qu'il est Dieu. Mais si tu regardes juste Jésus dans son aspect divin, bien, il va te manquer quelque chose aussi qui fait qu'il est notre sauveur. Il s'est fait homme. Il n'est pas venu pour des anges, il est venu pour des hommes. Puis il a compassion de nous parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il est grand Jésus. Il a été vu des anges, troisièmement. Vu des anges. Ça, c'est spécial. Avez-vous remarqué dans l'Écriture comment les anges sont souvent là dans le ministère de Jésus? Dans 1 Pierre, il nous parle de l'Évangile, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alors, Jésus, il est tellement grand que les anges, constamment, ont les regards en disant, « Hey, qu'est-ce qui se passe avec Jésus? » Alors, pendant son ministère, eux, là, c'était des observateurs. Et même l'Église, nous, parce que nous sommes le corps de Christ, les anges sont intéressés. Éphésiens 3:10 nous dit que les anges regardent la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'Église. Alors, il est tellement grand, Jésus, là, que les anges, il y aurait plein de choses à voir. Mais leur regard se concentre sur Jésus. Jésus a été prêché ensuite parmi les nations. Prêché. C'est quoi le centre de la prédication chrétienne? C'est Jésus qu'on prêche. Il a été prêché. Lui, on ne prêche pas des règles. On ne prêche pas d'abord et avant tout une éthique, une organisation, une religion. OK? On prêche une personne. C'est tellement important là, que c'est lui le centre de notre prédication, de notre message. Il est grand, Jésus. Parmi les nations, c'est un message universel. Ce n'est pas vrai qu'il y a le Dieu des musulmans ou le Dieu des Américains ou... le Dieu des Arabes ou il n'y en a qu'un. C'est lui qui doit être prêché à toutes les nations. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Il a été prêché parmi les nations et cru dans le monde. Non seulement il a été prêché, mais il est si grand que les gens disent « Oui, oui, je crois. » Moi, ça m'étonne toujours. J'avais lu un livre qui avait... Je l'ai vu la semaine passée ici à la vente de garage de Ryle. Ça s'appelle « La religion biblique » en français. Et j'avais lu ce livre-là il y a quelques années, et j'en revenais pas. Ça avait été écrit en 1800, quelque chose. Et ce qui m'avait frappé, c'est de dire, il croit la même chose que moi. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quelqu'un d'une autre culture, d'une autre langue, une autre époque, il a pris l'écriture, et là, il nous écrit, lui, un résumé de ce qu'il croit. Puis je lui ai dit, waouh! Et ça, c'est encourageant dans l'histoire, de regarder dans le monde. Je rencontre des gens d'une autre culture. Des fois, ils arrivent de l'Afrique ou ici, on a des frères et sœurs. On parle un petit peu, puis tout de suite, on se rejoint. Pourquoi? On a entendu le message, on y a cru. Il est grand, Jésus. Ce n'est pas une question de culture. Ah, ben nous, on est plus une culture américaine, alors Jésus fit avec notre culture. Non! Peu importe, c'est un message prêché de façon universelle et reçu de façon universelle. Et finalement, il a été élevé dans la gloire. Ça nous parle de son élévation au-dessus de toute chose, tout pouvoir, tout honneur lui a été donné. Jésus, il est digne, il est grand, on l'adore. Laissez-moi insister un petit peu là-dessus, la célébration de la vérité. Quand vous lisez l'Écriture, peut-être après plusieurs années que vous êtes croyant, est-ce qu'il y a encore une flamme? Wow! Hey, Seigneur, c'est grand! Tu n'as même pas besoin de te dire, OK, là, je lis, ensuite, je prends 10 minutes pour louer Jésus, et c'est plus fort que toi. Quelle vérité! Mais, hey, Jésus, c'est extraordinaire! La célébration. Si on perd ça, pensez pas là, qu'on va être capable de résister à la tentation dans ce monde, à tous les appels des sirènes, hein, à l'appel pour venir conquérir notre cœur constamment, simplement par dire, moi, là, je crois à la Bible, là, puis c'est rationnel, c'est académique, puis je suis capable de résister en argumentant, puis notre cœur est constamment sollicité par toutes sortes de choses autour de nous. Puis à moins que notre cœur soit conquis, amoureux de Jésus. Notre premier amour, dans l'Apocalypse, l'épître, la lettre aux Éphésiens. À moins d'avoir ça, c'est pas vrai qu'on est équipé pour résister à ces messages-là. Qu'est-ce que Jésus avait tant pour voir des personnes dans l'Écriture lui offrir un service, une adoration si extravagante? C'est la femme qui a répandu un parfum sur la tête de Jésus, sur ses pieds. Il y a quelques femmes qui l'ont fait. Qu'est-ce que Jésus avait tant pour lui offrir un parfum d'un si grand prix? C'était juste doctrinalement. Elle pleurait d'admiration devant Jésus. Jésus est comparé à un trésor que tu trouves. Il est tellement précieux que toutes les autres choses perdent leur beauté, leur éclat, puis tu es prêt à mettre ça de côté pour acquérir ce trésor-là. Est-ce que Jésus est un trésor pour toi? Maintenant, peut-être il y a des moments dans ta vie où tu ne ressens pas que Jésus est un trésor. Je dis juste ce matin que ça doit être un objectif. C'est quelque chose qu'on doit viser. Et quand tout à coup notre cœur est refroidi, de dire, Seigneur Jésus, viens te révéler davantage à moi. J'ai soif de te connaître, de voir ta beauté, ta gloire. D'être en admiration devant toi. Il y a trop de compétition, Seigneur. Les autres cris autour sont trop puissants. J'ai besoin d'entendre davantage ta voix. Parce que, savez-vous quoi? Par nature, on est tous des adorateurs. On a été créé pour adorer. C'est juste que les êtres humains n'adorent pas tous la même chose. Mais remarquez, si c'est des fois c'est des biens, c'est notre carrière ou c'est quoi que ce soit, ça prend des proportions. C'est une idole dans sa vie. Puis on parle même des fois positivement, telle personne, c'est mon idole. Hein? Les choses prennent une ampleur parce qu'on ne peut pas juste rester toujours amorphe, pas d'émotion devant les choses. C'est pas vrai. On n'est pas fait de même. On est fait pour être pépé, puis émerveillé, admirer les choses. On regarde un paysage, on dit, Puis on aime la sensation que ça fait de trouver des choses extraordinaires. Mais toutes ces choses-là, c'est des faibles reflets de ce qu'on devrait goûter devant Jésus. Mais si on n'approche pas la vérité, l'Écriture, avec cette pensée-là, je pense qu'on se met dans la misère pour vivre la vie chrétienne. La fausse doctrine, ce n'est pas simplement quand on dit que Jésus n'existe pas, que Jésus n'est pas Dieu, qu'il ne s'est pas incarné, ce n'est pas ça seulement. C'est aussi quand Jésus n'est plus central dans notre vie. Parce que là, on est en train de dire, il n'est pas si extraordinaire que ça, il n'est pas si grand que ça. Les autres choses me satisfont beaucoup plus que lui. Et là, on tombe dans l'erreur, dans le mensonge. Les scribes et les pharisiens parlaient du sabbat. Ah, c'était des intellectuels, puis là, ils se rappelaient tout ce que l'Ancien Testament disait concernant le sabbat, et ils regardaient comment les disciples pratiquaient, puis ils disaient, ah, ils transgressent la loi, ils transgressent la tradition, puis tout ça. Et Jésus est arrivé pour discuter avec eux concernant le sabbat. Et il a dit une parole que je trouve intéressante. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. En d'autres mots, essayez pas de discuter sur la doctrine du sabbat sans comprendre qui est Jésus. Si tu ne comprends pas qui il est le Seigneur du sabbat. Le sabbat, là, c'est vers lui que ça se dirigeait. Le sabbat, c'est Jésus qui l'a établi, puis il peut déterminer ce qu'on doit en faire ou pas. Si tu n'as pas ça au centre, que tu ne vois pas la grandeur de Jésus, toutes tes discussions théologiques, là, ça ne vaut pas cher, en d'autres mots. Tu vas tomber dans fausse doctrine, carrément, clairement. À l'instant où Jésus n'est plus le centre de notre prédication, le reste, va être faussé aussi. Question fondamentale. Pour toi, est-ce que Jésus est plus satisfaisant, précieux, digne, merveilleux que toutes les autres choses? Continue à combattre, mon frère, ma sœur. Il l'est. Des fois, on ne le ressent pas. Il l'est. Crie, accepte pas un cœur froid, tiède face à Jésus. C'est notre combat. Et c'est le combat auquel on doit s'encourager les uns des autres. En conclusion, un, il est essentiel de garder la parole de Dieu centrale. L'Église primitive, ici, on le voit, possédait. Probablement, c'est un chant, credo, certains disent. Mais en tout cas, au moins, ce qu'on ressent, c'est que l'Église primitive avait un cadre doctrinal clair, exprimé, auquel les croyants adhéraient, puis qui les amenait à célébrer. Et, mon frère, ma sœur, des doctrines claires, des vérités absolues dans ta vie, des convictions. Et comme Église, on doit aussi avoir une doctrine très claire. Deux, il est essentiel de garder la personne et l'œuvre de Jésus centrale dans notre enseignement et notre adoration. Et trois, il est essentiel de garder un équilibre entre ces trois aspects. Certains parmi nous sont plus axés, puis c'est correct. L'équilibre, je crois, on va y arriver peut-être plus comme Église que comme individu, mais entre les trois aspects. L'aspect académique, l'aspect pratique, puis l'aspect contemplatif de la vérité. C'est-à-dire qu'il y en a parmi nous qui vont être plus équipés pour nous aider au niveau académique. Encourageons-les. Bénissons Dieu pour eux. Il y a des gens parmi nous qui sont très pratiques, puis qui vont pouvoir, alors qu'on vit une crise, on va pouvoir s'asseoir avec eux, puis qui vont nous aider à être pratiquement à s'en sortir avec ce que l'Écriture enseigne. Bénissons Dieu, pourvoyons à des moyens, des formés, des équipés. Faisons confiance, Dieu équipe ces gens-là. Je trouve ça drôle des fois, on pense que le pasteur, parce que souvent on est habitué à avoir un pasteur, souvent c'est un enseignant, puis on va le voir pour tout. Ben, il y a des gens qui sont beaucoup plus équipés au niveau pratique des fois, ou contemplatif. Alors, il y a l'équilibre du corps qui est important. et l'aspect contemplatif. Il y a des gens aussi qui sont mieux équipés, sensibles, une approche un peu plus avec des mots, la poésie, qui peuvent nous encourager, nous aider à nous élever. Et eux aussi, il faut encourager, développer, laisser la place à des personnes, mais toujours centré sur l'Écriture. Et je dois, pas juste viser avoir un équilibre comme Église, mais comme individu dans ma vie, un équilibre aussi avec ces trois aspects. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse la vérité qu'il nous a transmise. Prions en terminant. Alors, je vous invite à faire des courtes prières, puis plusieurs peuvent intervenir.